Ah oui, le point que je voulais dire, c'est que justement, c'est à propos de ce qu'on appelle le principe de al-wala ou al-bara dans l'islam. C'est-à-dire qu'on s'allie avec les gens et qu'on aime les gens par rapport au tawhid et de leur attachement envers le tawhid. Si quelqu'un est contre le tawhid et défend le shirk, on doit se désavouer de lui. On n'a pas le droit de l'aimer par rapport à son shirk et par rapport du fait qu'il défend le shirk. Hein? Et si quelqu'un est sur le tawhid et qu'il défend le tawhid et qu'il s'oppose au shirk, on est obligé de l'aimer et de le prendre pour allié. D'accord? Ça c'est la base de l'islam. Comme je disais tout à l'heure, la fraternité dans l'islam, elle est basée sur le tawhid. D'accord? Maintenant, il y a des musulmans, ils n'ont pas compris ça du tout. Ils sont loin d'avoir compris al-wala ou al-bara, qu'est-ce que ça signifie. Et donc quand ils pensent, par exemple, aux problèmes qui se passent dans les pays musulmans, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé historiquement entre certains pays chrétiens et certains pays musulmans de colonisation ou autres, ils ont de la haine ou ils ont des problèmes avec ces pays chrétiens-là à cause des problèmes historiques qui se limitent à des questions ou à des problèmes qui ont rapport avec des choses de la dunya, hein, parce qu'ils ont pris la terre, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont fait de l'injustice, parce qu'ils ont fait du mal, et c'est tout. S'ils n'avaient rien fait de ça, ils seraient main dans la main avec eux, ils n'auraient aucun problème avec eux, parce que c'est basé sur le problème, c'est la dunya. Et ça, vous avez même des du'ats, des gens qui disent des du'ats aujourd'hui, qui prétendent appeler les gens à l'islam, et qui disent par exemple, le problème qu'on a avec les juifs, c'est pas par rapport à la religion, c'est juste pour la terre. Si on a la terre, ça y est, on va être les frères avec les juifs, on va être les frères avec ces gens-là. On n'a pas aucun problème avec eux. Malgré que leur religion, c'est quoi? C'est l'insulte de Isa, alayhi salam, et de dire qu'il est d'un mariage illégitime, de même que sa mère. C'est le rejet de la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. C'est également quoi encore? Le fait de tuer et d'insulter les prophètes d'Allah et d'opposer la vérité, hein, et d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala et de dire qu'il est avare, et toutes les autres sortes de kufr et de shirk qui sont présents dans la religion. Maintenant tu vas me dire, ou certains vont me dire, on n'a rien contre cette croyance-là, c'est juste pas à cause de la terre qu'on a des problèmes avec eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux juste l'argent. Tu veux juste la terre, tu veux juste la dunya. Ton intérêt, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala et de défendre l'honneur de sa religion, hein, et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le problème maintenant. Les gens, ils n'ont pas compris que le fait que quelqu'un dise que Dieu a un fils, c'est plus grave que la colonisation, c'est plus grave que le fait de prendre la Palestine, c'est plus grave que de tuer, c'est plus grave que de voler, c'est plus grave que de faire zina, c'est plus grave que manger du porc, c'est plus grave que tous ces péchés-là. De dire que Dieu a un fils, c'est plus grave que tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran que les cieux et la terre, il manque peu pour que les cieux et la terre éclatent et se déchirent quand quelqu'un dit que Allah a un fils. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc comment quelqu'un, il va comparer ça, le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, avec le fait que des hommes ont fait des péchés ou des trucs de ce genre, tous des trucs de la dunya. Et ils détestent les koufars, pas pour leur kufr, pas pour leur shirk, uniquement parce qu'ils ont plus de dunya que eux. Ou juste parce qu'ils ont fait du tort à leurs parents ou à leur famille. Sinon, ils sont les meilleurs amis et les meilleurs alliés de ces gens-là. Même s'ils ont insulté Allah, même s'ils ont traité de mensonge Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ont traité les prophètes de menteurs, ça c'est pas grave. Ça c'est un détail insignifiant pour eux. Aucune valeur, aucune importance. Donc où est-ce qu'elle est l'honneur qu'on a et la compréhension qu'on a de cette religion et de cet islam? Hein? De la part de ceux qui disent qu'ils appellent à l'islam alors qu'ils sont en train de combattre et de détruire les fondements même de cette religion-là qui est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il y a un gros problème que ces gens-là ont à régler dans leur cœur et dans leur compréhension de la religion. Ils doivent faire tawbah, ces gens-là. Ils doivent revenir à cette religion-là comme il faut. Parce que s'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec ces idées-là qu'ils ont aujourd'hui, ils risquent gros. Ils risquent l'enfer, pour l'ayyadu billah. Donc ça c'est juste le point que je voulais mentionner pour faire comprendre en fait, avant de rentrer dans le reste, que si on a un problème avec les koufars et si on doit avoir un problème envers les koufars, c'est pour leur kouf et leur shirk avant toute chose. Parce que sinon, un musulman il est capable de faire de l'injustice à un autre musulman aussi. Il y a des peuples musulmans qui ont fait de l'injustice à d'autres peuples musulmans. Et ça, ça n'a rien à voir avec la aqida. Ça a rapport avec des trucs de la dunya. Ton frère, il te ment. Ton frère musulman, il te vole. Ça, c'est des choses qui arrivent entre les musulmans parfois. Toutefois, il reste musulman. Il est mouahid, c'est le tawhid. Tu n'as pas le droit de le détester comme quelqu'un qui fait le shirk. Hein? Donc ça, c'est des exemples de choses que les gens maintenant, ils mettent le kufr et les péchés à égalité. Alors que le seul péché qu'Allah n'accepte pas, ou le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk et le kufr. Et c'est le plus grand parmi tous les péchés, il n'y a rien qui est équivalent à ces formes de péchés-là. Hein? Donc, le shaykh dit « Wa atharu shirk al-nasara ala ummat al-islam » Maintenant, les chrétiens et leur forme de croyance, ça a eu des gros impacts négatifs sur les musulmans à travers l'histoire. Et on va voir des exemples de ça. Le cheikh Farkous, hafizahullah, il nous donne des exemples de ça. Hein? Il dit « Hada wa min athari shirk al-nasara ala ummat al-islam tatajalla fi akhtari mas'alatin » Aujourd'hui, vous avez entendu que dans certains pays musulmans, ou dans certaines régions, dans certains pays musulmans, il y a des gens qui maintenant appellent au christianisme et qui essaient de dire aux musulmans, vous devez vous convertir au christianisme. Hein? Ils appellent au shirk et au kufr. Hein? Et c'est à ça qu'ils sont en train d'appeler, à l'insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la contradiction de l'enseignement des messagers. Donc c'est très important de vous armer, mes frères, de la connaissance du ilm du tawhid, pour être capable de contrer ces gens-là qui appellent au shirk et à l'égarement. Parce que si les musulmans, si ces gens-là ont réussi à s'infiltrer maintenant dans les pays musulmans et à faire accepter à des musulmans ces formes et ces exemples de kufr et de shirk, c'est parce qu'il y a une grande ignorance chez les musulmans de la réalité de qu'est-ce que c'est cet islam. S'ils connaissaient ce tawhid et cette religion, personne ne peut rentrer chez les musulmans avec ces histoires de bêtises, de croyances en la Trinité puis des trucs de ce genre. Personne ne peut accepter ça parmi les musulmans. Donc, le shaykh dit « Hada ومن آثار شرك النصارى على أمة الإسلام تتجلى في أخطر مسألة تأثر بها المتصوفة وعباد الجهمية بالنصارى المحرف بالنصرانية المحرفة وهي عقيدة الحلول كما تقدم في اعتقاد النصارى بحلول الله في المسيح فقد تابع غلاة الصوفية ومن شاكلهم في القول بالحلول بالحلول عقيدة النصارى حيث زعموا أن الحق اصطفى أجساما حل فيها بمعنى الربوبية وأزال عنها معاني البشرية والأجسام التي اصطفاها الله تعالى أجسام أوليائه وأصفيائه بطاعته وخدمته فزينها بهدايته وبين فضلها على خلقه حسب زعم المتصوفة ومما يدل على ذلك ما أنشده الحلاج بقوله. Donc le cheikh il dit voilà, on va expliquer maintenant quelques exemples du shirk des chrétiens dans les peuples musulmans, chez les peuples musulmans, et on peut voir ça de la façon la plus claire dans la question ou dans la croyance des soufistes et des jahmiyas qui ont été influencés par le christianisme dévié. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça c'est par exemple la aqida qu'on appelle al-hulul, aqidat al-hulul. L'idée que Dieu est entré à l'intérieur de certaines créatures. Hein? Les chrétiens ils croient que Dieu est entré à l'intérieur de Isa alayhi salam. Maintenant, il y a parmi les gens qui se disent musulmans, hein, les soufistes, les soufiyas, les mutasawifas, les sectes, les turq, que ce soit n'importe quel parmi les turq, ils ont toutes ces croyances-là. Naqshbandiya, Chistiya, Tijaniya, Rifa'iya, Naqshbandiya déjà, il y en a des centaines comme ça, Shaviniya, toutes ces turq soufiyas-là, elles ont ces croyances. Hulul, que Dieu rentre à l'intérieur de certaines créatures. Ou wahdatul wujud, que Dieu est tout, et tout est Dieu. Hein? Comme les hindous et les bouddhistes, la même chose. Même aqida. Hein? Donc, ils ont pris ça des chrétiens et des autres mouchriquins. Et donc, le shaykh, il dit que cette aqida des chrétiens-là, tu la retrouves chez ces gens-là. Ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi certains corps, parmi les corps des créatures, pour habiter dedans. Et ils ont été remplis du sens de la souveraineté d'Allah, la souveraineté divine, et ils ont été vidés de leur nature humaine. Donc ils ont perdu leur nature humaine, ils sont devenus une nature divine, après avoir pratiqué soi-disant certains exercices spirituels, comme ils disent. Et ceux que vous entendez qui mentionnent toujours, ou qui parlent toujours de spiritualité dans leurs cours, en réalité ils parlent de soufisme, mais ils ne veulent pas utiliser le terme soufisme parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, et qui savent que c'est faux. Alors pour tromper les musulmans, ils utilisent le terme spiritualité, hein, l'islam et la spiritualité, ils veulent dire le tasawuf, ou bien des fois ils disent le mysticisme, la mystique musulmane, hein. Donc ça c'est des exemples de croyances qui sont présentes dans toutes les turuq soufiyas. Mais le problème avec les soufiyas, c'est qu'ils ont des façons de tromper les gens. Ils disent pas aux gens du premier coup leurs vraies croyances. Ils te laissent le temps de t'initier en premier, rentrer dans la tariqa, tu suis le cheikh et tout, et là après petit à petit que tu montes dans le tasawuf, là après tu commences à apprendre de plus en plus des exemples de shirk, qu'est-ce que ces gens-là croient, la réalité de ce qu'ils croient. C'est-à-dire que Dieu, il choisit certains corps, et ça c'est ce qu'ils appellent des awliya, hein, et que Dieu, il rentre dans ces corps-là, ou qu'il habite dans ces corps-là. Hein. Et donc, yani, ça c'est la croyance et les idées de certains des soufistes, et ils mentionnent une poésie qui a été mentionnée par un de leurs chefs, ou un de leurs modèles dans le soufisme, Al-Hallaj. Hein? Même ceux qui disent par exemple qu'ils sont contre ces choses-là parmi les soufistes et qui n'acceptent pas cette croyance-là, eh bien quand tu leur mentionnes Al-Hallaj, ils commencent à le glorifier, à dire des belles choses de lui. Ou quand ils parlent d'Ibn Arabi, la même chose. Ibn Arabi qui disait que le porc et le chien ce sont Dieu. Hein? Donc, a'oudhou billah, parce qu'il croit que Dieu est tout et dans tout. Donc, il n'y a rien pour lui qui n'est pas Dieu. Tout est Dieu pour lui. Hein? Et pour lui, ce n'était pas un problème. Pour lui, le mouchrik, c'est qui le mouchrik? C'est qui l'associateur? C'est qui l'idolâtre pour Ibn Arabi? Hein? C'est celui qui dit, hein, qu'il faut distinguer entre le créateur et la création. Hein? Pour lui, si tu fais une distinction entre le créateur et la créature, tu es un mouchrik. Parce que tu as cru en deux choses. Tu n'as pas cru en une unité. Pour lui, le tawhid, c'est de dire qu'il n'existe qu'une seule chose. Et c'est Allah, la réalité. Hein? Et donc c'est des exemples de dalal chez ces gens-là. Donc lui, il dit « Subhana man abhara sutahu wa sarra sinnan li'uluhiyatihi al-thaqibi thumma bada fi khalqihi zahiran fi surati al-akili wa sharibi. » Après il dit « Hatta laqad ayanahu khalquhu كلحظة الحاجب بالحاجب. يعني il dit des choses comme il dit que النسوت c'est quoi, c'est يعني le corps, et اللاهوت c'est quoi, c'est la divinité Dieu. Donc il dit que اللاهوت est rentré dans النسوت, comme les chrétiens qui croient que Dieu est rentré en Jésus. Puis il est devenu apparent à sa créature dans l'image ou dans l'apparence de celui qui mange et qui boit, un être humain, hein. Et jusqu'à ce qu'il devienne visible à sa créature comme une paupière qui se ferme lorsqu'elle cligne. Donc des trucs comme ça, c'est pour dire, ça c'est dans les poésies des soufis. Et beaucoup de soufis, ils expriment leurs croyances dans des poésies. Et pourquoi? Parce que c'est un langage poétique, avec des proses et des allégories, toutes sortes d'images, Et quand tu les prends pour compte pour leurs paroles qu'ils ont dit dans leur poésie, tu leur dis, mais comment vous pouvez dire des croyances de ce genre? Ça c'est kufr, ça c'est shirk. Ils disent, non, mais ça c'est uniquement un style de langage, ou que c'est une prose, hein. Et ils vont dire, par exemple, il a dit ça parce qu'il était ivre dans l'amour de Dieu, hein. Il a atteint un niveau de spiritualité tellement élevé qu'il a perdu sa raison, il est devenu ivre, hein. Et donc il est excusé. Ça c'était leur explication pour justifier le shirk de ces gens-là. A'oudhu billah. D'accord? Et il y en a parmi comme Al-Hallaj, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Ana al-Haq. Il dit, je suis la vérité, je suis Dieu, hein. Laysa fil jubbati illallah. Il dit, il n'y a rien d'autre dans ce manteau que Allah. C'est pour ça qu'il a été exécuté, hein, le dirigeant à son époque, Wali al-Amr, celui qui était chef de l'État à ce moment-là, il a fait exécuter Al-Hallaj. Il y a beaucoup parmi les hérétiques, les zanadiqa, parmi ce genre de soufis, qui ont été exécutés à leur époque pour avoir prononcé des paroles de kufr et pour avoir refusé de revenir sur leurs paroles, hein. Et malgré tout, malgré aujourd'hui que les soufis qui se disent « non, il y a des bons soufis puis il y a des mauvais soufis », eh bien, ceux qui disent qu'ils sont des bons soufis puis qu'ils sont contre le mauvais soufi, eh bien, ils respectent tous ce gars-là, Al-Hallaj et Ibn Arabi et les autres. Ibn Arabi, il l'appelle Al-Sheikh Al-Akbar, Khatim Al-Awliya, il l'appelle le sceau des saints, hein, et ils disent que le niveau de sainteté est supérieur à celui du prophète, hein. Ça, c'est la croyance de ces gens-là. Maintenant, ceux qui vous disent qu'il y a des bons soufis, il y a des mauvais soufis, il y a des soufis qui sont en accord avec la sunna, il y en a d'autres qui sont contre la sunna, ça c'est faux. C'est le plus grand des mensonges. La vérité, c'est qu'il y a des soufis qui sont extrémistes, qui sont en dehors de l'islam, et il y a une autre catégorie de soufis qui ne sont pas en dehors de l'islam, mais qui sont quand même déviés, qui sont des mubtadi'a, mais qui n'ont pas encore quitté l'islam. Ça, c'est la réalité. Et c'est certains là qui vont essayer de cacher cette réalité-là. Parce que leur fondateur était un soufi lui-même, Hassan al-Banna. Il était de la tariqa al-Shaziliya al-Hisafiya. Alors comment ils vont critiquer le soufisme alors que leur fondateur est un soufi lui-même et qu'il avait cette aqidah et qu'il avait ces pratiques-là? Et c'est Qutb dans le tafsir qu'il a fait de Qul huwa Allahu Ahad dans le Coran. Si vous retournez à son tafsir, c'est Bilal al-Coran, vous trouvez exactement cette expression-là et cette croyance-là. Wahdatul wujud. Et Al-Hulul, la même chose. Et Tariq Ramadan, le petit-fils de Hassan al-Banna, vous trouvez dans ses paroles la même chose. Il dit, la ilaha illallah, ça veut dire que Dieu est tout. Il n'y a rien qui existe que celui qui a tout créé. Ça c'est dans ses paroles. Et il a beaucoup d'autres paroles. Est-ce que tu as été habité de la présence divine? Qu'est-ce que ça veut dire ça, être habité de la présence divine? Hein? Donc ça c'est des croyances que ces gens-là expriment, les gens qui les écoutent, ils se font, ensorcelés, ou bien plutôt émerveillés ou enchantés par le beau langage qu'ils ont et leur belle façon de s'exprimer. Mais ils en profitent dans leur discours pour lancer plein de poison aux musulmans, parce que les gens qui écoutent, ils ne connaissent pas l'islam comme il faut, les fondements de l'islam. Ils ne connaissent pas non plus le danger et l'égarement que ces gens-là sont en train de prêcher. Donc, ils aiment ce discours. Ils aiment sa façon de parler, mais ils ne regardent pas le fond et le cœur de qu'est-ce que ces gens-là sont en train d'enseigner. Et remarquez bien, ils ne parlent jamais de tawhid en détail. Ils parlent de politique, ils parlent d'économie, ils parlent de justice sociale, ils parlent de tout, sauf de tawhid. Ils vont mentionner le mot tawhid, oui, comme on lève un drapeau, mais ils vont jamais rentrer dans le sérieux, dans le cœur, dans l'explication détaillée de qu'est-ce que c'est al-shirk, al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar, hein. Qu'est-ce que c'est le shirk pour Tariq Ramadan? C'est de casser les multinationales, casser Coca-Cola, casser les grandes marques, casser les belles voitures. Il compare le fait de casser ça avec Ibrahim alayhi salam quand il a cassé les idoles. Il dit, à l'époque d'Ibrahim, ça c'est l'ancien shirk, il dit. Il cassait les idoles. Aujourd'hui, ça c'est passé maintenant. Le nouveau shirk, c'est les multinationales, les belles marques, les belles voitures. C'est ça qu'il faut casser. C'est ça le tawhid pour lui. C'est ça le shirk pour lui. Et ces idées-là, vous les retrouvez dans Bilal al-Qur'an de Sayyid Qutb. La même chose. pour lui, le vrai tawhid, c'est tawhid al-ruboubiya. Les prophètes pour cette Qutub ne sont pas venus pour combattre tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour combattre shirk al-shirk fil ibada ou shirk al-uluhiyya. Ils sont venus pour combattre shirk al-ruboubiya seulement. C'est-à-dire l'association dans la souveraineté. Le fait que Allah est le maître de l'univers ou qu'il est le seul créateur. Donc pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Pour eux, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah. Hein? Pour ces gens-là, la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah. C'est vrai qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah, mais ce n'est pas ça la signification de la ilaha illallah. La vraie signification de la ilaha illallah, c'est pas il n'y a que Allah qui est le créateur. Parce que si c'était juste ça, la ilaha illallah, alors ça veut dire que Quraysh sont des croyants. Les mouchriquins, au temps du prophète, sont des musulmans dans ce cas-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes aux Quraysh, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, Quraysh sont des croyants. Ils vont dire, la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur sauf Allah. Quraysh sont d'accord avec vous là-dessus. Est-ce que c'est ça qui fait de vous des musulmans? Parce que tu dis, il n'y a pas de créateur sauf Allah. Maintenant, comment ça se fait que tu dis, il n'y a pas de créateur sauf Allah, et après tu vas adorer Al-Badawi, la tombe de Al-Badawi. 3 millions de musulmans par année vont faire le Hajj, ou vont faire le tawaf autour de la tombe de Al-Badawi en Égypte. 3 millions, c'est égal à qu'est-ce qui se passe au Hajj à Mecca. Al-Zaynab, Sayyidat Zaynab, hein? Al-Hussein, ils disent que sa tête est enterrée en Égypte. Pourquoi vous n'allez pas, pourquoi ces gens-là qui sont soi-disant d'origine égyptienne ne vont pas combattre ces formes de shirk qui sont en train de se produire dans leur pays, au lieu de critiquer juste leurs dirigeants, hein, et laisser le peuple se noyer dans le shirk, l'adoration des tombes et des saints, et ça comme si ce n'était pas important. Alors que c'est ça que le prophète, que les messagers d'Allah sont venus combattre avant tout. Hein? Donc ça c'est des choses très importantes à comprendre, malheureusement beaucoup de gens s'en tapent comme on dit. Hein? Ça ne leur dérange pas du tout. Ils veulent rien savoir de ces choses-là, c'est des détails insignifiants pour eux. Qu'est-ce qui compte? On se réunit sur ce sur quoi on est d'accord, puis on s'excuse mutuellement sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ou sur les choses sur lesquelles on diverge. Hein, on est d'accord sur le fait que, yani, tout le monde a le droit à manger, à dormir, justice sociale, on est d'accord là-dessus, donc on s'unit là-dessus. Puis même si tu es mouchrik, kafir, mouchrik, ça ne dérange pas. Donc ça c'est le danger de ces croyances et de ces gens-là. Maintenant ne soyez pas surpris que les chrétiens rentrent dans les pays musulmans et qu'ils arrivent à égarer certains d'entre eux et leur faire rentrer dans le christianisme, parce que ces croyances-là, elles existent déjà chez eux. وفي نظير شركهم ما وقع فيه طوائف من المنتسبين للإسلام واشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين من الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب وهذا وقد كان أثر النصرانية المحرفة عاملا لا سبيل له لا سبيل إلى إنكاره في وجود عقيدة الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين من هذه الأمة عند المتصوفة والرافضة والجهمية ومن على شاكلتهم حيث غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وغلت الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي غيرهما ممن دونهما وبالغوا في المدح فرفعوهم من منزلة العبد إلى منزلة المعبود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. Le Cheikh il dit donc qu'il y a beaucoup parmi les gens qui se disent musulmans qui ont adopté certaines de ces croyances-là, et donc ils ont cru que ce qui est entré dans le cœur de certains parmi les gens qui soi-disant ont reçu la foi et la connaissance, que cette lumière-là et cette guidance-là, c'était Dieu lui-même qui entrait à l'intérieur de ces êtres-là. Et il dit qu'on ne peut pas nier qu'il y a également un impact et une influence du christianisme qui a été déformé, hein, dans le fait que certains parmi les musulmans ont dévié sur la question des prophètes et des hommes pieux et des hommes saints, et qu'ils les ont yani, élevés au niveau de divinité. Al-ghulu fil anbiya wal awliya, ils ont exagéré dans la croyance qu'ils avaient au sujet des hommes pieux et des hommes et des prophètes. Et c'est ça qu'on retrouve chez les soufis, et c'est ça qu'on retrouve chez les rafidas, les chiites, les rafidas en Iran et ailleurs, au Liban aussi, et tous ceux qui sont dans leur catégorie, parmi les jahmiyyah et les autres, on trouve ça chez eux. Vous voyez par exemple en Iran, aujourd'hui tout le monde est en train de glorifier les chiites au Liban, et de faire l'éloge des chiites. Alors que c'est des gens qui adorent les morts, et leur religion est basée sur l'adoration des morts, et ils prennent Ali ibn Abi Talib comme un dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ils ont des malheurs et des problèmes, ils crient et ils crient son nom et demandent à Ali et à ses descendants de leur venir en aide, parmi les 12 imams qu'ils ont suivis. Donc c'est ça la religion de ces gens-là. Et ça c'est la religion du shirk, c'est pas la religion du tawhid. Quand vous allez dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont ? Des mosquées construites sur les tombes. Et leur religion s'est basée sur ça. Et chaque année, ils font des pèlerinages à Najaf et à Karbala. Et quand ils prient, ils prennent de la terre de cet endroit-là, ils disent que c'est béni. Et ils disent que c'est ça la religion de l'islam. Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, ni avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni avec la voix des sahaba, sans compter qu'ils insultent les sahaba et qu'ils disent qu'ils sont des koufars. Et également les soufis, qui ont emprunté cet extrémisme-là au sujet des tombes et des hommes pieux et des prophètes, et qui exagèrent à leur sujet, et qu'ils ont amené ça dans le reste des pays musulmans où ils ne sont pas soi-disant chiites, et ils sont supposément des sunnites, alors qu'en réalité ils n'ont rien à voir avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils font tout pour contredire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit que ils ont amené, ils ont glorifié la créature, et ils l'ont amené au niveau de quelque chose qui est adoré, c'est-à-dire ils ont fait de ces êtres-là des divinités en dehors d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. Il dit: n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus. N'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave, un serviteur. Alors dites à mon sujet, serviteur et messager. Ok? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est un hadith sahih. Et également, le chef il dit, وقال صلى الله عليه وسلم, إياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Le prophète a dit, prenez garde à l'extrémisme et à l'exagération dans la religion, parce que ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, c'est uniquement l'extrémisme et l'exagération dans la religion. Et des fois, les gens pensent à l'extrémisme, ils pensent uniquement aux manifestations dans la pratique. Alors que l'extrémisme commence en partie, ça commence au début par la croyance au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet des prophètes, au sujet des awliya. Si tu exagères au sujet d'un homme pour l'élever au niveau de Dieu, alors ça c'est une forme de rouleau, c'est même la pire des formes de rouleau, l'extrémisme. كما وجدت في هذه في هذه الطوائف وغيرها من القبوريين ممن ينتسب إلى الإسلام وعقيدة السجود للقبور واتخاذها مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول الشيخ يقول أننا نجد كثيرا من هذه الجروب يأخذون tombes pour des objets d'adoration. Ils prennent des tombes pour des lieux d'adoration. Le cheikh il dit, ceux qui étaient avant vous prenaient. Le cheikh il dit, certes ceux qui étaient avant vous prenaient la tombe de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux de prière. Il dit, je vous dis, ne prenez pas les tombes comme des lieux d'adoration, car je vous interdis de faire cela. Ça s'est rapporté par Muslim, selon Jundub, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ سَعَ وَهُمْ أَحْيَا وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدِ. Cheikh il mentionne le hadith rapporté par Al-Bukhari et Ahmed selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires hommes, les pires parmi les créatures ou parmi les hommes, sont ceux qui vont être vivants lorsque l'heure du jugement va être établie, et ceux qui ont pris leurs tombes comme des lieux d'adoration, ou les tombes comme des lieux d'adoration. Il y a un autre hadith que le cheikh a pas mentionné, il a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs messagers, ou de leurs prophètes, comme des lieux d'adoration. Le cheikh dit, ومن مظاهر التأثر أن النصارى ادعوا أن المسيح نور وكذلك ادعى بعض المتصوفة في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله وغلوا فيه ولا تكاد تجد كنيسة خالية من صورة المسيح ابن مريم وجرجس وبطرس وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله وهكذا ترى بعض الكبريين والمتصوفة يضعون صورة شيخهم أو شيوخهم اتجاه قبلته ويركعون لها ويسجدون وتعلق الصور أو تحمل وتعلق الصور وتحمل للاستشفاء والبركة. للشيخ الذي il y a parmi les manifestations des influences chrétiennes chez les musulmans, on voit que certains chrétiens ont dit que le Messie était créé de lumière, qu'il était une lumière. Et donc chez les musulmans, tu trouves, chez certains soufis, tu trouves également certains d'entre eux qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était créé lui aussi de lumière. Et ils disent qu'il est une partie de la lumière de Dieu et qu'il n'avait pas d'ombre, hein. Et ils exagèrent à ce sujet-là, et tu trouves ça parmi les soufistes. Et tu trouveras pas une église acceptée qu'elle a des images de Jésus et de Marie et des apôtres et des saints. Et ils les adorent, et ils se mettent à genoux devant, ils se prosternent même devant, et ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils leur demandent de la guérison et de l'aide, et ainsi de suite. Même que les catholiques, ils ont un calendrier avec le nom d'un saint pour chaque jour de l'année. Et il y a des saints particuliers pour différentes choses, hein, un saint pour les malades, un saint pour les enfants, un saint pour les femmes malades, ou chaque chose a un saint particulier, hein, différentes idoles en dehors d'Allah. Et il dit que tu vois certaines personnes aujourd'hui parmi les soufis qui adorent les tombes, et ils mettent la photo de leur cheikh sur eux, ou bien en avant, là où ils ont leur qibla, quand ils font le recours et le soujoud, ils mettent la photo de leur cheikh en avant, hein, et ils accrochent sur eux parfois la sourate de la photo de leur cheikh pour la baraka ou bien pour l'image. Et moi-même je le sais parce que j'ai vu un soufi comme ça à Montréal quand j'étais converti à l'islam au début. Je lui ai dit, mais pourquoi tu mets des photos de, il y avait deux photos d'hommes avec une barbe blanche et tout. Il dit, mais c'est qui ça ces photos, et pourquoi tu mets ces photos-là? Il a dit, ça c'est les photos de mon cheikh. Là je lui ai dit, mais est-ce que c'est pas haram de faire des photos dans l'islam? Il me dit, ah, il y a beaucoup de choses que tu as à apprendre, hein, parce que tu es nouveau, soi-disant, tu vas comprendre après, d'accord? Donc c'est des choses qu'il me disait comme ça. Et puis quand je suis rentré, il m'a dit, je vais t'amener jusqu'au métro. Alors, je suis rentré avec lui dans la voiture pour aller jusqu'au métro. Je m'assois dans la voiture, une photo de son cheikh dans la voiture, juste à l'avant. J'ai dit, mais pourquoi tu mets la photo de ton cheikh ici dans la voiture? Il dit, ah ben c'est parce que ça, c'est pour aller à Allah, il faut passer par le cheikh. Hein? Quand ils font les doigts, quand ils font le dhikr, ils passent par le cheikh pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? A'udhu billah. Donc ça c'est des exemples de cheikh chez ces gens-là. Hein? Et quand ils font ce qu'ils appellent al-hadra, se mettent en rond dans la mosquée, commencent à danser, à sauter, à faire de la musique et il crie, yeah, hey, hey, hey, ho, ho, ho, hein, il commence à sauter comme ça, puis là il y a la musique, la flûte, et tout le monde est en train de sauter en même temps, il se balance en avant, en arrière, en avant, en arrière, hein. Et là tu te dis, mais c'est ça la religion, c'est ça l'islam, c'est ça. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ça avec ses sahaba dans la mosquée? Est-ce que c'est ça la religion d'Allah? Donc, pourquoi? Parce que, bien sûr que c'est pas la religion d'Allah, mais ils se cachent pour faire ça entre eux. Hein? Parce que c'est la religion du shaitan, c'est pas la religion d'Allah. Et une fois, ils ont montré un documentaire sur des groupes de rock dans certains pays musulmans. Et ils ont dit que c'est des gens qui adorent le diable. Ça, ils les ont interdits. Ils ont même mis en prison ceux qui ont fait ça, soi-disant. Maintenant, les autres turcs soufis, que ce soit Issaouia, Jilala, ou bien Gnawa, ou les autres groupes qui font de la musique, qui adorent le shaitan, hein, et qui font toutes sortes de shirk, eux, ils sont pas dangereux, ils adorent pas le shaitan. Juste les gens qui font du rock, qui adorent le shaitan, hein, et les femmes qui se lancent les cheveux à gauche, à droite, qui dansent, hein, devant les hommes et les femmes mélangés ensemble, la musique et tout ça, ça se fait dans l'islam. Et ils égorgent les animaux pour le wali, et ils font le tawaf autour de la tombe, hein, et ils cherchent la baraka, ils prennent la terre. C'est toute la religion des mouchriquins, ça n'a rien à voir avec l'islam, tout ça. Pourtant ils le font, et ils disent que c'est ça l'islam. Et les enfants grandissent là-dedans, ils voient leur grand-mère faire ça, ils voient leur mère faire ça. Hein. Quand la mère tombe malade, va voir le wali, il va te guérir. Va voir le sayyid, il va te guérir. Quand les enfants grandissent avec ça, hein, ils ont oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a shafi. La shafi illa ant. Hein? Le prophète nous a enseigné ce dua. Allahumma anta shafi. La shafi illa ant. Ou Allah, c'est toi le guérisseur. Il n'y a personne qui peut guérir autre que toi. Ils ont oublié ça. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Hein? Si t'as besoin d'aide, demande à Allah. Hein? Et si tu demandes, demande à Allah. Ils ont oublié tout ça. Ils ont demandé à la créature au lieu de demander au créateur. Et ils ont pris leur cheikh. Hein? Une fois, je voyais ça des Sénégalais, hein? Des frères Sénégalais. Subhanallah, il y en a parmi eux qui suivent la tariqa Mouridiya, ou bien il y en a d'autres qui sont Tijaniya, ou d'autres Turcs. Ils se promènent tous avec une photo de leur cheikh dans leur portefeuille. Et il y en a un groupe là-bas au Sénégal qui s'appelle les Baïfal, parmi les Mourides. Et eux, ils disent, leur cheikh les a exemptés de jeûne et de prière. Leur seul but, c'est de servir le cheikh Ahmed Bamba et les soi-disant successeurs de cette tariqa. Hein? Et donc, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ces gens-là. Hein? Tu les vois avec les dreads, ils se promènent avec des grosses boîtes dans leur cou attachées, ou bien des portes, des trucs carrés, là. Et ils mettent dans la photo leur cheikh. Hein? C'est ça, ils disent, et c'est les gens qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ils disent que leur cheikh, il y en a parmi eux qui disent même que leur cheikh est Dieu. Hein? Donc c'est des exemples de déviation et d'égarement. Tout ça, c'est la copie conforme de ce que les chrétiens suivent. Et même parfois, c'est plus grave que ce que les chrétiens suivent. Parce qu'il y a un cheikh qui a dit une fois, je me souviens, un cheikh qui donnait un cours sur le tawhid, il expliquait, il dit, si Dieu a déclaré les chrétiens et a dit qu'ils sont des mouchriquins parce qu'ils ont dit que Dieu est entré dans un homme, dans un seul homme, que dire de celui qui dit que Dieu entre dans plusieurs hommes, ou que Dieu est dans tous les hommes et dans toute la création? Ça, c'est encore plus grave comme shirk. Hein? Donc, le shirk, il mentionne par la suite un hadith. Il dit, « Wa fi sahih an Aisha radiallahu anha, anna Salama ذكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. للشيخ الزيد كأ الوقت du prophète sallam, juste avant la mort du prophète sallam, ça a été rapporté dans le Sahih que Aïcha radiallahu anha, elle a dit que Salama, elle a mentionné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle avait vue en Éthiopie quand elle avait fait le Hijra en Éthiopie. et elle avait vu des images et des dessins comme ça sur les églises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens-là, lorsque parmi eux il y a un homme pieux qui meurt, ou un serviteur pieux qui meurt, ils construisent une tombe sur sa, une mosquée sur sa tombe, et ils dessinent à l'intérieur ces dessins et ils font ces statues-là. Il dit, ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Pour Allah, c'est eux les pires créatures. Hein? ومن مظاهر التأثر أيضا أن النصارى أعطت للزعماء الروحانيين سلطة التشريع وهي من خصائص الرب جل وعلا فكانت عبادتهم متجللة أو متجلية في طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فعن عدي بن أبي حاتم أو عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال تلك عبادتهم وهكذا نرى طابع التأثير واضحا في أهل التعصب من المقلدة لمذاهبهم وعلمائهم ولو ظهرت النصوص الشرعية على خلافهم كما ظهر في بعض الشعوب المسلمة التي أعطت سلطة التشريع والتغيير والتبديل لأمر الدين لبرلمانهم وحكامهم دون ترو أو تمعن فيما وافق أحكام الشرع ونصوصه أم خالفهما. Le Cheikh dit parmi les grandes manifestations d'influence également qu'on trouve chez les musulmans par rapport à la, aux influences des chrétiens, on voit que les chrétiens ont donné à leur chef et à leur représentant spirituel le pouvoir de légiférer dans la religion. Hein? Et ça, ça fait partie des droits et des caractéristiques qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui a le droit de rendre halal ou haram et de légiférer. Et donc, tu retrouves dans leurs adorations, chez les chrétiens, des formes d'adoration qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a enseigné. Ni aucun prophète d'ailleurs. Hein? Ils font leurs adorations d'eux-mêmes. Et ils rendent halal ce qui est haram, et ils rendent haram ce qui est halal. Hein? Par exemple, le porc. C'est clairement interdit dans la Bible. Et ils l'ont rendu halal. Le mariage pour les prêtres. Ils ont interdit le mariage pour les prêtres, alors que c'est halal. Par exemple, la polygamie. Ils ont interdit la polygamie. Ils ont rendu obligatoire la monogamie. Alors que dans leur Bible, dans l'Ancien Testament, tu trouves des prophètes de Dieu qui ont tous plus qu'une femme. En grande partie, ils ont tous plus qu'une femme. Il n'y a aucun verset qui est venu interdire ça. Hein? Tu trouves également les règles de lapidation pour celui qui fait l'adultère. Tu trouves le djihad. Tu trouves quoi d'autre encore? Le couper la main pour ceux qui font certains péchés. Tu trouves toutes ces punitions-là, le œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, tu trouves ça dans la Bible. Hein? Toutes ces règles-là, ils les ont mis de côté, ils les ont rejetées. Hein? Donc c'est pour dire, et qu'est-ce qui est halal parfois? Des choses haram, ils l'ont rendu halal, et des choses halal, ils l'ont rendu haram. Donc c'est pour vous dire à quel point ces gens-là, bon, déjà le plus grand péché, qui est le shirk, ils l'ont rendu halal. De mettre des statues, de faire des idoles, de prendre des intermédiaires entre l'homme et Dieu, hein, dans l'adoration. Tout ça, ces choses-là, c'est ça qui est le plus grand péché, ils l'ont rendu halal. C'est permis. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point ils ont dévié là-dedans, et on trouve ça parmi les musulmans aujourd'hui, hein, des gens qui, parmi les musulmans, inventent des bédas, inventent des choses dans la religion, font des législations dans la religion au nom de l'islam, alors que c'est contraire à l'islam. Ils rendent halal ce qui est haram, et ils rendent haram ce qui est halal. Et ça, c'est l'imitation des juifs et des chrétiens. Et il mentionne l'histoire de Adi ibn Hatim, qui était un chrétien qui s'était converti à l'islam. Il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset 31 dans surat Tawbah, dans lequel Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et quand Adi a entendu ce verset-là, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne les a pas adorés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il a dit, n'est-ce pas qu'ils rendaient haram ce qu'Allah a rendu halal, et vous vous le rendiez haram, et n'est-ce pas qu'ils rendaient halal ce qu'Allah a rendu haram, et vous vous le rendiez halal? Hein? Alors, il a dit, certes, oui, c'est vrai. Alors il dit, voilà, c'est de cette façon que vous les adoriez. C'est de cette façon-là que vous les adoriez. C'était ça votre adoration pour eux. De les obéir dans le haram et de rendre haram ce qui est halal. C'était ça votre adoration. Donc, aujourd'hui, il y a plein de gens comme ça parmi les musulmans, malheureusement. Ils disent, par exemple, des choses qui sont clairement haram, ils disent qu'elles sont halal parce qu'un cheikh a dit que c'est halal. Alors que c'est contraire au Coran. Hein? Ils voient que le riba, c'est haram. Un tel cheikh a dit que c'est halal, ah, ça veut dire qu'ils le font dire, mais le cheikh il a dit que c'est halal. Hein? Les gens qui se rasent là-bas, par exemple, parmi les soi-disant du'at, les gens qui appellent à l'islam, les chouyours qu'ils appellent à l'islam soi-disant, ils passent dans les chaînes satellites, les émissions religieuses, ils parlent de la religion, et ils n'ont pas un poil de barbe sur le visage. Et donc, les gens qui sont là en train d'écouter ça, ils disent, ah, mais si c'était haram de raser la barbe, le cheikh il n'aurait pas rasé sa barbe. Et ils prennent l'action de ces gens-là comme une preuve dans le tashri, pour essayer de dire ce qu'ils font, ça veut dire que c'est une preuve. Alors que ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que les juifs sont déviés. Et c'est pour ça que les chrétiens sont déviés. Parce qu'ils ont vu leurs chefs et leurs prêtres et leurs moines faire des péchés, et quand ils ont déclaré ces choses-là, et quand ils ont fait ces péchés-là, les gens ont dit, ah ben s'ils le font, ça veut dire que c'est halal. Alors que ça n'a rien à voir. On n'a pas le droit d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un te dit désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de l'obéir dans ce péché-là. Peu importe qui il est, d'accord? Même si c'est ton père, il te dit, rase ta barbe, tu n'as pas le droit de l'obéir. Tu es obligé de lui dire, non mon père, je ne peux pas t'obéir dans ça. Il te dit, va acheter des cigarettes. Je m'excuse, mais je ne peux pas. Mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit ça. Hein? Va acheter la loterie pour moi. Je ne peux pas. Allah il m'a interdit ça. Allah il m'a ordonné de t'obéir, mais il m'a interdit de t'obéir dans ça. Je n'ai pas le droit. Demande-moi n'importe quoi d'autre, mais je ne t'obéis pas dans ça. Donc ça c'est des choses importantes à comprendre. On a le respect pour les parents, mais en même temps, on n'a pas à obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit également cette manifestation-là chez les laïcs qui appellent les gens à dire qu'il faut rejeter la religion dans les choses politiques ou économiques ou sociales. Juste dans la mosquée, on parle de religion et on applique la religion. Mais en dehors, on laisse le Parlement, hein, et les députés et les ministres voter des lois et décider ce qui est halal et ce qui est haram. Ça, c'est un exemple aussi de ça. Le shirk, hein. Et ça, c'est interdit, c'est contraire à l'islam. Donc, il faut donc que les gens appliquent les règles de la charia. Et la charia, peu importe que ça, même si ça déplaît à quiconque ça peut déplaire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit la charia est au-dessus de toute autre loi faite par les êtres humains. Même si ça déplaît à la République. Le cheikh dit, هذا فضلا عما تأثر المتصوف بالنصارى في مفهوم الرهبنة والتبتل والهروب عن الناس وترك التزوج والدعوة إلى تطهير الروح عن طريق تعذيب الجسد بأنواع من المجاهدات الشاقة القاتلة والسياحة في البلاد مقتدين في سلوكهم بمواعظ الرهبان وأخبار رياضتهم الروحية. الشيخ يجيب منك. Ça c'est sans mentionner les autres qui ont été influencés parmi les soufis, qui ont été influencés par les chrétiens dans leur compréhension du monachisme. C'est-à-dire les gens qui rentrent dans des, qu'est-ce qu'ils appellent, des zawaya, hein, des monastères, comme des monastères pour les moines, hein, et qui se forcent ou qui s'imposent le célibat, hein, qui veulent pas se marier, qui s'éloignent des femmes volontairement. et qui abandonnent les hommes, et les, c'est-à-dire ils disent qu'on ne veut plus côtoyer ou être, avoir des interactions sociales avec des êtres humains. On veut s'isoler juste pour l'adoration seulement, dans les monastères ou dans les zawaïs, hein, juste l'adoration, ibad, zikr, hein, tout le temps. Ça c'est contraire à l'islam, c'est une bid'a qui vient des chrétiens. Wal hurub aninnas, tu t'enfuis des gens, tu t'abandonnes les femmes, hein, tu dis que tu veux purifier ton âme, en torturant ton corps avec toutes sortes d'adorations difficiles pour soi-disant te corriger par toutes sortes d'adorations. Vous voyez les moines, des fois ils se frappent même eux-mêmes, et des fois ils font des choses qui risquent de les tuer parfois. Ils arrêtent de manger, ils arrêtent de, hein, tout ce qui a rapport avec les choses naturelles, ils s'en éloignent, et ils appellent ça des exercices spirituels. Et il y a des soufis qui font ça, hein. Ils se privent de manger, ils se privent de dormir jusqu'à ce qu'ils commencent à perdre la tête, et là ils s'imaginent qu'ils voient des choses, hein, qu'il y a des choses qui leur apparaissent, ils entendent des voix, après ils pensent qu'ils ont atteint l'illumination. C'est vrai, Allah l'ista'an. Donc ça c'est, qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Ils pensent qu'ils deviennent des awliya par la suite. Donc le chef il dit, « فَتِلْكَ هِيَا أَهَمْ أَثَارْ شِرْكِ النَّصَارَ عَلَى أُمَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ صَدَقَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قلنا فمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. لشيخ الدي إيفواتي. دونك أنا parlé de les plus importantes parmi les manifestations de shirk chez les chrétiens et de leurs effets sur la umma de l'islam parmi les musulmans. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait vraiment dit la vérité quand il a dit vous allez suivre les voies et les exemples des gens qui étaient là avant vous, pas à pas, jusqu'à tel point, à un tel point que s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre dans le trou du lézard. Et les sahabes ont dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est pour vous faire comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'on a mentionné, des effets et des influences des chrétiens sur les musulmans, tout ça, ça avait été déjà annoncé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que une partie de sa umma allait suivre ces gens-là, et dans leurs égarements. Et donc, c'est pour prévenir la Ummah d'éviter ces choses-là et de cesser de les imiter et de revenir au fondement de leur religion et de s'y accrocher fermement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum, wa la man khalatahum, hatta ya'tiya amrullah, wa hum ala dhalik. » Il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui vont rester fermement attachés à la vérité, hein, victorieux sur la vérité. Ceux qui se désavouent d'eux, ceux qui s'écartent d'eux ou qui les opposent, ils ne vont rien leur faire de mal, ils ne pourront pas leur nuire en rien. Et ils vont rester sur la vérité jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, et ils vont toujours être sur la vérité. Donc, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y en a qui vont suivre les juifs, il y en a qui vont suivre les chrétiens, il y en a qui vont suivre les hindous ou les bouddhistes, hein, eh bien, il y en aura toujours un groupe de la Ummah qui va rester sur le tawhid, sur la sunna, sur le vrai islam jusqu'au jugement dernier. Et ça c'est une bonne nouvelle, hein. Et on doit tous essayer, nous tous, de s'accrocher à ce groupe-là et à suivre l'islam de cette façon-là, à prendre notre religion du Coran et de la sunna et de la compréhension des salaf salih, hein. Parce que les pays du Maghreb sont plus proches des chrétiens, parce que l'Europe c'est juste à côté, donc ils sont plus influencés par les chrétiens. Mais il y a d'autres pays musulmans qui sont proches des hindous, et ils sont plus influencés par les hindous, ils essaient de ressembler aux hindous, et ainsi de suite. Selon les peuples qui sont plus proches d'eux, ils essaient de les ressembler dans leur dalal, et dans leur shirk, et dans leur bid'ah, et dans leur contradiction à l'islam. Donc il faut que les musulmans s'écartent de ces choses-là, qu'ils reviennent à leur tawhid, et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et à la compréhension des salaf salih. Donc le cheikh il termine en disant, le dua, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. En espérant que ça a été bénéfique pour vous tous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège donc de l'égarement de ces gens-là et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amin.